Choisi et présenté par Marcel Achard de l'Académie française, Jean Anouilh, Henri de Monterland de l'Académie française, Marcel Pagnol de l'Académie française, Armand Salacrou de l'Académie Goncourt, voici le répertoire dramatique de France Culture. Aujourd'hui, Celle qu'on prend dans ses bras de Henri de Monterland. En avant-propos à cette émission, écoutez la présentation de M. Henri de Monterland. Celle qu'on prend dans ses bras fut créée en 1950 au Théâtre de la Madeleine avec Victor Francen, Gaby Morlaix, Odile Versoix et repris au Théâtre des Ambassadeurs en 1957 avec Francen, Hélène Gerbert et Anna Gaylor. Il en fut fait de nombreuses tournées, sans parler des représentations en province et à l'étranger. Victor Francen y fut admirable, surtout à la reprise de 1957. Une expression fut reprise souvent par la critique à propos de cette pièce, un Racine psychanalyste. L'évocation de Racine venait sûrement de ce que la pièce est une pièce d'amour, de ce que la matière en est très simple et de ce qu'elle n'a que trois personnages et un seul décor. Par contre, le mot « psychanalyste », prononcé par un homme aussi intelligent que Thierry Monnier, de qui nous connaissons une extraordinaire lecture de Phèdre, me surprend. Nous sommes ici dans le domaine de la psychologie pure et simple. La psychanalyse n'a, selon moi, rien à y voir. Mon héros, Ravier, tombe amoureux à 58 ans d'une petite personne de 19 ans, Christine. Certains ont trouvé cela ridicule, je ne trouve pas cela du tout ridicule. Il l'aime et il le lui dit avec naïveté, avec plainte, avec amitié. Elle, c'est une punaise, elle l'envoie promener. Elle pourrait l'envoyer promener gentiment, même avec une pointe de charité, mais elle le fait grossièrement. La péripétie est que Ravier tire le père de Christine d'un mauvais pas judiciaire où il s'est fourré par inconscience. Christine se croit une sorte de devoir de cesser de se refuser à Ravier. Lui, il commence par être cornélien et il ne veut pas l'accepter pour ce motif douteux. Puis, à l'improviste, il cesse d'être cornélien, il l'accepte et il l'accepte sachant que dans les conditions où cela s'est fait, il ne tirera que souffrance de cette décision. Tout cela est d'une psychologie plutôt classique, à cela près que la plupart des hommes auraient moins de délicatesse que Ravier. Mais voici ce qui, sans doute, prête à une certaine intervention de la psychanalyse dans certains esprits. C'est le personnage de Mademoiselle Andriot, vieille fille, comme on dit à Paris, qui est amoureuse de Ravier. Elle a 60 ans, elle est détraquée sans nul doute, mais elle dit son amour avec une délicatesse qu'on voudrait trouver chez toutes celles qui disent le leur et qui est la délicatesse de celles qu'on appelle les vieilles filles, chez qui, n'y ayant pas d'acte, tout se tourne en sensibilité. Mais ce cas de Mademoiselle Andriot, qui, du fait de sa physiologie, est à la fois extrêmement sensible et un peu déséquilibrée, n'a que faire d'être traité en littérature par la psychanalyse, la psychologie, ou plus simplement la connaissance du cœur humain, y suffit largement. J'ai songé un instant à appeler cette pièce « Les chevaux de bois » en songeant au manège forain. Mademoiselle Andriot aime Ravier, qui ne l'aime pas, et qui aime Christine, qui ne l'aime pas. Chacun d'eux est toujours derrière l'autre sans le rejoindre jamais. C'est ça, les chevaux de bois. Celle qu'on prend dans ses bras de Henri de Monterland de l'Académie française. Avec Pierre Dux, Ravier. René Faure, Mademoiselle Andriot. Catherine Watteau, Christine Villancy. Pascal Mazotti, Monsieur Levadet. René Farabet, le récitant. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. La scène se passe à Paris pendant l'été, chez l'antiquaire Ravier. Aux trois actes, le décor représente, au premier étage d'un hôtel particulier, une pièce tenant lieu ensemble de bureaux et de salles d'exposition. pièce monumentale avec colonne de marbre, dallage de marbre. Dans le fond, un escalier débouche, venant du rez-de-chaussée, et repart vers le second étage où sont les appartements de Ravier. Table, avec téléphone, couverte de papier, de dossier. Quelques meubles et quelques objets. Tout respire le luxe et le grand style. Ravier, grand, mince, élégant, mais le visage trahit l'âge et fait même plus âgé que l'âge réel. Mademoiselle Andriot, cheveux presque blancs, le visage disgracié, bien habillé, quoique sans élégance. Un rien d'âme de compagnie, mais un rien seulement. Écoutez-moi, mon pouvoir est immense. Mon nom est connu dans le monde entier. Tous les grands musées du monde ont quelque chose qu'ils ont acheté chez moi. Et si je comptais aussi ce qu'ils n'ont pu m'acheter, car cela m'amuse de refuser de l'argent. Je ne sais pas ce que j'ai de richesse, même à peu près, je ne veux pas le savoir. Cela ne me donnerait qu'un serment de cœur. Voilà ce que je suis. Et encore, je n'en dis pas assez. Je n'ai qu'à m'incliner. Monsieur Ravier, vous êtes un homme des plus heureux, malgré le serment de cœur. Je suis divorcé et non remarié, vous le savez sans doute. J'ai de grands enfants qui vivent chacun de son côté, j'ai des maîtresses bonnes filles qui ne me causent nul souci, mais tout cela ne va pas loin en moi. J'aimerais donner à d'autres qu'à ceux à qui je donne. Et rien de ce que je donnerais n'aurait été pris à quiconque. Qu'est-ce qu'un bien qu'on ne peut partager ? Est-ce que cela vous intéresserait de voir mon Rubens ? Sous l'occupation, les Allemands ont essayé par tous les moyens de l'acheter. J'ai bien ri. Oh, certainement, je serais contente de le voir. Ça doit être magnifique. Ben, nous irons tout à l'heure. Il faut monter. C'est un peu compliqué. C'est vous, ce buste ? On ne le dirait pas. Il y a 9 ans. Ah, c'est ça. Vous trouvez que j'ai beaucoup changé ? Un homme de 49 ans et un homme de 58, ce n'est pas la même chose. Non. Monsieur Ravier, il y a ceci que je voulais vous demander. Vous ne le prendrez pas mal. Pour les motifs de décoration que vous m'achetez aujourd'hui, vous me donnerez moins que la dernière fois. Je me suis informée, j'ai vu alors que le prix que vous m'aviez offert était très excessif et j'ai bien regretté de l'avoir accepté par ignorance. Je vous ai dit, il y a un instant et sans intention, que chez moi, il y a tellement d'argent que je n'en sais jamais le compte. Et vous, vous m'avez dit votre situation peu aisée. Vos parents, à Metz, se débattant dans des affaires difficiles, vous, vivant seul ici chez votre oncle, qui a un emploi modeste, et ne connaissant rien de la vie de Paris, puisqu'il n'y a que 4 mois que vous êtes des nôtres, sans ouverture, sans relations, gagnant vos journées en plaçant des motifs de décoration, qui vous rapportent sans doute un peu, parce que vous ne manquez pas de talent, mais enfin... Je suis vraiment très, très à plaindre. J'ai eu la candeur, en effet, de vous parler un peu de moi, et bien entendu, vous avez sauté là-dessus. Mademoiselle Villancy, il n'y a pas de relation humaine, je veux dire pas de relation dans la moindre gentillesse, si d'un côté l'on porte des vers déformants par lesquels tout du partenaire est vu sous un aspect mauvais et affreux. Sauter là-dessus. Certains petits mots suffiraient pour dissoudre un sentiment, de la même manière qu'un seul grain de sel dissout un bloc de glace. Vous vivez dans une demi-gêne, c'est de votre bouche que je le sais. Moi, je vis dans l'opulence. Il serait simplement odieux que de temps en temps... Que de temps en temps, vous ne me fissiez pas la charité, c'est cela, n'est-ce pas ? Mademoiselle Villancy, j'ai beau avoir pâti assez de vous avoir parlé à cœur si ouvert, rien ne m'empêchera jamais de continuer à le faire. Je ne peux pas vous parler autrement qu'à cœur ouvert, en jetant tout dans l'abîme, comme si je parlais à une planète inconnue. Voici donc, je vous ai montré tout à l'heure le côté lumineux de mon existence, et pourtant sa trame est faite de fatigue, de tâches qui me déplaisent, de temps perdu avec des gens qui me dégoûtent ou m'agacent. Et moi, croyez-vous donc ? Oui, oui, je sais. Je suis même une de ces personnes qui vous agacent. Et c'est sans doute ce que vous avez voulu me faire comprendre. Bon, je ne me permettrai pas. Savez-vous ce qui est pénible dans les affaires ? C'est qu'il faut toujours chipoter, même quand le gain vous est indifférent. Parce que si on ne chipote pas, ça a l'air d'une pause. Ah, c'est beau de gagner de l'argent, mais ça se paie cher. Les gens comme vous ne connaissent pas leur bonheur. Non, sûrement. Les objets sont un signe et les hommes sont hideux. Et, chose étrange, ce sont quelquefois des hommes hideux qui fabriquent ces objets insignes. Vous m'avez entrouvert la porte un instant sur un monde tout à fait autre, et puis vous l'avez refermé. Sur quel monde ? Sur le monde de la propreté, de la fierté et du courage. Et encore, sur le monde qui est celui des 9/10 de l'humanité, le monde des gens qui n'ont pas plus d'argent qu'il ne leur en faut. Et encore, sur un monde où un homme de mon âge réapprend la fraîcheur, réapprend à attendre le courrier, à attendre la sonnerie du téléphone, avec toujours cette terreur qu'il y ait un dérangement, Un monde où il y a autre chose que les liaisons d'apparat ou l'amour vénal. Vous m'avez ouvert cette échappée sur un jardin plein de musique. Et puis, vous l'avez refermé. Toujours ces courriers où il n'y a rien de vous. Pensez que je ne connais pas votre écriture. Toujours ces coups de téléphone qui ne sont pas de vous. Pensez que pas une fois en 2 mois, vous ne m'avez téléphoné. Je n'avais pas de raison de vous téléphoner, puisque quand j'ai à vous parler, je viens. Vous pouvez me téléphoner pour me dire que vous venez. Vous m'avez dit que vous étiez toujours là. Tout va bientôt finir, et la tristesse même. Alors que ce qui me reste à vivre est court et si encombré, vous coupez encore de cette vie en disparaissant d'elle comme vous le faites. Vous perdez votre chance et vous me faites perdre la mienne. Il faut être rejeté au désert, rejeté à la vanité, rejeté à l'amour sans amour, rejeté à la profession, vendre ou ne pas vendre, expertiser, payer, être payé, chercher à faire payer, aller avec des femmes que l'on paye. Écoutez-moi, je suis un homme simple, je vais vous dire des choses simples. D'abord, bien entendu, il n'est pas question que vous m'aimiez, il est question que vous me supportiez. Vous êtes un réaliste. Je suis un sentimental réaliste. Je ne vous demande même pas votre amitié. Je vous demande de me donner quelquefois votre présence, plus qu'une fois par mois, et de me laisser avoir de l'amitié pour vous. Une amitié dont je ferai tout mon possible pour qu'elle vous fût légère. Votre présence. Fermez les yeux, les cacher avec mes mains, mais savoir que vous n'êtes pas éloigné de moi. J'ai 58 ans, je n'ai jamais demandé cela à personne. Je vous offre mon amitié quand il n'y a rien pour vous d'amical sur la terre. Il n'y aurait pas pour moi d'autre amitié que la vôtre ? Non, aucune. Vous ne trouverez d'amitié que celle de gens qui voudront coucher avec vous. Je vous offre mon amitié et je ne vous demande qu'un peu de présence. Peut-on demander moins ? Donnez-moi cette poignée de bonheur avant que je ne disparaisse tout entier. Vous n'avez pas confiance ? Non. Vous avez des répliques qui coupent le souffle. J'adore dire la vérité. Vous, toujours si petite quand je vous revois dans cette pièce, et j'en suis toujours étonné, que vous avez fait de choses. Vous m'avez révélé cette sensation inconnue, être dédaigné. Pour la première fois de ma vie, je me trouve un peu ridicule. Et pourtant, ce ridicule, je l'accepte. Et je dirais presque que je l'aime, puisqu'il est né par vous. Mais je sens bien que je m'enferre sur tout ce que je vous dis d'affectueux. Comme je me suis enferré sur ce misérable petit cadeau que j'ai eu la sottise de vous faire porter, pourquoi ne l'avoir pas accueilli avec la même simplicité avec laquelle je vous l'envoyais ? Il faut être très simple avec ceux qui vous aiment. Très simple. Je pense que si je vous offrais ne fût-ce qu'une de ces pêches, vous la refuseriez pour ne rien tenir de moi. Allons, prenez-en une. C'est une femme qui me les a offertes. Bien entendu. Et bien entendu, il ne faut pas que je l'ignore. Oh, la donatrice n'est pas compromettante. C'est une vieille amie, Mademoiselle Andriot, qui s'occupe de façon intermittente et bénévole de mes affaires. Elle a une belle culture artistique, ancienne élève de l'école du Louvre, et elle me rend de précieux services. En tout bien tout honneur. Il suffit de la regarder pour savoir ce qui a manqué à Mademoiselle Andriot toute sa vie. Il y a celle qu'on prend dans ses bras et les autres. Mademoiselle Andriot est des autres. Ce visage qui n'a jamais été baisé est comme un jardin privé d'eau. J'ai même su d'une de ses amies que, déjà jeune fille, assez mûre, il lui arrivait de baiser son bras nu parce qu'elle n'avait rien d'autre. Vous la verriez, peut-être ririez-vous d'elle, car les Français sont cruels pour les vieilles filles. Et vous ririez à tort. Mademoiselle Andriot est une personne assez remarquable. Je vois que j'avais raison. Même un seul de ces fruits, vous n'en voulez pas. Il faut à toute force que je n'ai pas le pouvoir de vous faire plaisir. Vous croyez que je suis quelqu'un que l'on use avec des cadeaux ? Que faut-il donc pour conquérir votre amitié ? Ne rien vous offrir ? Ne pas attendre que ce que vous offrez vous rapporte. Vous êtes comme une chatte à qui on fait gentiment une petite caresse et qui répond par un coup de griffe. Je ne comprends pas. Oui, en vérité, excusez-moi, je suis comme stupéfait de vous voir répondre par de la haine à tant d'amour. Je n'ai pour vous nulle haine, monsieur Ravier, mais j'aime tellement la liberté que la seule idée que des hommes pensent à moi et disposent de moi en imagination m'est insupportable. Mon Dieu, est-ce que je disposerais de vous dans ce moment où ma journée de travail cesse et où tout d'un coup, c'est vous que je retrouve en pensée, tellement intact ? Mais enfin, regardez-moi donc un instant. Oh, je comprends bien que mon visage ne soit pas quelque chose de très plaisant à contempler. Mon regard, que je charge pour vous de tant de choses, vous le fuyez sans cesse et regardez ailleurs, au-delà de moi, à côté de moi, même alors que vous me parlez. Et ce que je vous dis en frémissant, vous ne l'écoutez même pas. Mes entretiens avec vous sont des monologues, et des monologues sempiternels, et que vous n'écoutez même pas. Je ne suis pas expansif de nature. Non, votre devise, votre règle d'or, c'est ne pas donner. Surtout, avant tout, ne pas donner. Et si par hasard, vous en avez fait mine, reprendre. Est-ce que votre oncle vous parle quelquefois de moi ? Nous évitons ce sujet. Silence sur le crime. Sur le crime qui n'existe pas. Tout cela est étrange, pénible et non viable. Il est tard, monsieur Ravier, je vais être obligée de partir. Partir. Toujours partir. Reviendrez-vous jamais ? Mais oui. Je le sais bien qu'un jour vous ne reviendrez plus. Je reviendrai, je vous en donne l'assurance. Décevante, Christine Villancy. Est-ce que vous ne vous êtes pas appris à votre âge à n'attacher pas trop d'importance au fait d'être déçu par les gens ? Je me le suis appris. Au revoir, monsieur Ravier. Voici ce que je vous dois. Je vous donne moins que l'autre fois, selon votre désir. La politesse voudrait que je vous dise merci, mais excusez-moi, ce mot ne pourrait pas sortir. Et puis j'ai horreur que vous me donniez ainsi de l'argent de la main à la main. L'argent du crime ? Enfin, oui ou non, m'avez-vous vendu des motifs de décoration ? Vous pouviez me faire donner cela par votre secrétaire. C'est ridicule à la fin. Le Rubens ? Je le verrai un autre jour. Moi aussi, justement, vous le montrez ne me faisait plus envie. Au revoir, monsieur Ravi, à bientôt. Que dire à quelqu'un que l'on a nulle envie de revoir, sinon à bientôt. Au revoir, mademoiselle Villancy. Monsieur Jean, voulez-vous raccompagner mademoiselle Villancy ? Prenez une de vos pêches pour que je trouve quelqu'un qui veuille bien de mes cadeaux. Alors elle s'est encore refusée. Il n'est pas question qu'elle se donne parce qu'elle ne le veut pas et parce que je ne le veux pas. Dans ces conditions, cela aura sûrement lieu. Elle a une petite cicatrice qui a la forme d'un lézard sur son avant-bras gauche. C'est pour cela que vous l'aimez ? Pour cela et pour bien d'autres choses. Enfin, je veux dire, pour rien. Bientôt sonnera l'heure du berger. Le berger a son heure. Le barbare, lui, s'arrête, frappé de respect devant la pureté. Je voudrais être digne d'elle. Ne déraisonnez pas. Combien avez-vous de maîtresses en ce moment ? Ouf, mettons 3,5, mais vous le savez bien. Moi ? Que sais-je de votre vie privée ? Je n'ai jamais cherché à en rien savoir. Ça me serait facile, pourtant, en mille occasions. Tenez, rien que ce pneumatique que vous aviez reçu hier et déchiré nerveusement, j'aurais pu en ramasser les morceaux, le reconstituer. Je n'y ai même pas pensé. Vous y pensez à présent ? 3,5 sans parler des francs tireuses, vous pouvez donc, sans excès d'héroïsme, laisser en paix mademoiselle Villancy. Rien ne m'est plus facile que de me passer d'elle. C'est à peine si elle me fait envie, son petit corps de 4 sous. Tout est ailleurs et la passion commence. Prononcez pas ce mot de passion, vous me faites rire. Non, rassurez-vous, je vous tiens pour violent, impatient, exclusif, vindicatif, orgueilleux, dédaigneux, sans pitié, naturellement et avant tout fornicateur. Vous voyez, je crois donc que vous connaissez les passions, mais... La passion. Mais le monde du cœur, mais la tendresse. Parler de tendresse devant vous, c'est parler de couleur à un aveugle. Je me demande pourquoi c'est moi que vous avez choisi pour causer de cette petite, puisque vous m'avez dit que vous ne parliez d'elle à personne. Je suis plein d'elle comme une éponge est imbibée d'eau. Un moment vient où il faut que cela sorte. Et je suis le n'importe quoi qui recueille cette eau précieuse. Mais enfin, qu'ai-je à voir avec vos coucheries présentes ou à venir ? Ce domaine n'est pas le mien. Ai-je rêvé ou n'aimez-vous pas ramener irrésistiblement la conversation quand elle en était à mille lieues sur quelque sujet touchant à la sensualité ou aux choses du cœur ? Qu'allez-vous chercher là ? Vous me connaissez bien mal. Soit, n'en parlons plus. Mais vous me demandez pourquoi, moi ? Peut-être par goût du danger ? Vous avez la réputation d'être un peu méchante. Moi, méchante ? Dans toute ma vie, j'ai eu besoin de donner, de bercer. Quand les enfants viennent vers moi, quand les bêtes viennent vers moi... Quand j'ai parfois souhaité que quelqu'un que j'aimais tombât malade, oh, légèrement, pour pouvoir le soigner, le dorloter. Moi, méchante. Mon Dieu, moi qui ne suis qu'élan, confiance, abandon, qui crois tout ce qu'on me dit, qui crois jusqu'au serment qu'on ne m'a pas fait. Excusez-moi, je vous en prie. Les larmes aux yeux devant vous, c'est le meilleur moyen de vous exaspérer. Vous vous trompez, j'aime les larmes. Vous aimez peut-être les larmes, mais vous les aimez jeunes. Les jeunes larmes. Depuis 7 ans que nous nous connaissons, je n'ai éprouvé que votre amitié, votre dévouement, votre loyauté. Il est bien vrai cependant que quelquefois, il fuse de vous à l'improviste Un jet d'aigreur, de malveillance. Où êtes-vous à confondre aigreur et amertume? Arrangeons tout. Vous n'êtes pas méchante, vous êtes inquiétante. Inquiétante comme l'intelligence. Elle, elle est inquiétante comme l'innocence. Et vous, inquiétant comme ceux qui aiment l'innocence. Les hommes de votre espèce qui aiment l'innocence, on sait où cela finit. Au commissariat de police. J'aime moins son innocence que sa singularité. Si elle cédait, je lui en voudrais. On dit cela. En somme, vous êtes un petit peu amoureux. Vous avez été souvent un petit peu amoureux dans votre vie. Je suis amoureux tous les 12 ans. Régulièrement? Oui, tout à fait régulièrement. J'ai été amoureux à 9 ans, puis à 21 ans, puis à 33, etc. Alors, si c'est une loi de la nature, ça finit comment? Je couche. Avec qui? Avec la bien-aimée ou avec d'autres? Avec toutes. Voilà un bon présage pour cette fois-ci. Mais cette fois-ci n'est pareille à aucune des autres fois. Bien entendu. Parmi les choses étranges qui naissent en nous, il y a aussi quelquefois l'honnêteté. Toute femme donne son cœur, son corps, son dévouement, son abnégation, les merveilles de son âme et de sa chair parce que vous lui avez offert une promenade en auto. Mademoiselle Villancy est insensible aux promenades en auto. Elle est nette, elle a du caractère, elle est désintéressée, elle ne quémande pas. Toutes les femmes ne quémandent pas. Il y a des façons détournées. Par exemple, j'ai une excellente amie qui sait bien me dire « Vous qui ne m'offrez jamais de fleurs... » Vous m'offririez des fleurs que je les refuserais. Est-ce que je ne vous ai pas rapporté une fois une bouteille de Malaga que je ne sais pourquoi vous vous étiez cru obligé de m'envoyer? Je vous ai toujours dit que vous deviez me traiter comme si j'étais un homme. Je me suis arrangée pour gagner ma vie de façon à être libre. Je ne suis pas une entretenue, moi. Nous sommes de bons vieux copains, pas de fadaise. Le pas de fadaise est tout à fait du langage de Mademoiselle Villancy. Vous direz ce que vous voudrez. Que cette fille se maintienne ce qu'elle est dans le Paris d'aujourd'hui, c'est chic. Je n'abîmerai pas cela. Que Paris l'abîme vite et qu'elle soit à vous. Qu'elle ne soit jamais à moi, plutôt que de l'être à ce prix. Est-elle jolie? Jean m'a dit qu'elle a le nez en l'air comme un petit cochon. Si on veut, mais comme un petit cochon qui serait bien. D'après ce que vous m'avez dit d'elle, je ne crois pas qu'elle soit intelligente. Toutefois, si j'ai bien compris, ça fait partie de ses attraits. De votre aveu même, elle n'a ni éducation ni culture. Et c'est donc décoratrice. Avouez qu'elle n'a aucun talent. C'est justement ce qui est sympathique. Vous avez là des dessins d'elle que vous venez d'acheter, faites voir. Ce sont des dessins d'une de ses copines que j'ai achetées par politesse. Toujours votre bon cœur. Il semble en outre qu'elle soit un peu bluffeuse. Vous voyez, vous devenez méchante. Bluffeuse? Vous a-t-elle pas dit d'abord que son père à Metz était dans les conseils d'administration? Ensuite, elle s'est coupée, elle vous a dit qu'il partait à son travail le matin à 7h30. Je ne pense pas que même à Metz, les conseils d'administration tiennent séance à 8h du matin. Je ne vois là de sa part qu'un peu de fierté douloureuse qui m'émeut. Ces mensonges vous allument comme sa pauvreté vous brûle. Pour moi, vous êtes transparent, je lis en vous comme dans du cristal. Vous êtes maladroite de vous en vanter. Elle vient, elle fait marcher sa serinette de vertu. Allez, je sais bien comment sont les hommes, il n'y a que les crétines qui souhaitent aimer. Elle n'est en aucune façon une crétine, quelle mouche vous pique. Oui, cette fois, on dirait bien en effet de l'amertume. De l'amertume? Moi, de l'amertume? De toute ma vie, il n'y a pas de sentiment qui m'ait été plus étranger que l'amertume. Pour avoir de l'amertume, il faudrait des motifs d'en avoir. Bon, mais je vous en prie, ne touchez plus à elle, et en de tels termes. Non, vous ne me ferez pas honte de ce petit être. C'est moi que vous respecterez en elle, si vous me respectez. Et laissez que je me retrouve un instant seul dans le sentiment que je lui porte. J'y suis comme dans une chapelle, car tout y est pur. Si je n'avais aimé qu'une fois comme cela dans ma vie, je serais sauvé. Sauvé devant qui? Vous ne croyez pas en Dieu? Sauvé devant moi-même. Si elle voulait, elle pourrait faire de moi un homme nouveau. Vous êtes très bien comme vous êtes. Croyez-vous que j'ai jamais eu besoin, moi, que qui que ce soit fît de moi une femme nouvelle? Tiens, tenez, j'ai encore reçu une lettre du général. Eh bien? Le général? Ben voyons, vous ne vous souvenez pas? Ce général qui voulait que je devienne madame la générale. Ah oui. Il est de plus en plus pressant. Châtelaine, quatre domestiques. Il perd bien son temps, le pauvre. Moi, me marier. Vous voyez cela. Aliéner ma liberté. Devenir la proie d'un homme. L'un de ses dégoûtants. Je lui laisse un peu d'espoir par charité. Vous ne voulez toujours pas me dire son nom? Oh, pensez-vous, mon cher, c'est une question d'honneur. Vous savez que le bouton de votre veste est sur le point de se détacher. Il y a 2 jours, d'ailleurs, qu'il est dans cet état. C'est pas qui entretient votre ménage, mais ce n'est pas fameux. Donnez-moi ça, je vais le recoudre. Non, inutile. Jean va monter le veston à l'appartement ou la femme de chambre. Mais à quoi bon, j'ai là du fil. Vous ne savez non pas qu'une femme ordonnée a toujours une aiguillée de fil dans son sac à main. Il faudra même que je recouse les autres boutons, ils en ont besoin. Je vous répète que c'est inutile, je monte dans 5 minutes à l'appartement. Oh, allons, donnez ce veston. Oh, peut-être ne voulez-vous pas que je vous voie encore de chemise, mon pauvre ami. Si vous saviez comme de telles idées sont loin de moi. Mais laissez donc mes boutons, et aussi pendant que nous y sommes, apportez-moi moins de fruits et confectionnez-moi un peu moins de vos délicieux sabayons. Vous pouvez m'être utile par votre intelligence, votre goût, votre culture. Ne cherchez pas à vous rendre indispensable, vous ne l'êtes pas. Oui, mais dites-le donc, vous êtes excédé de mon amitié. Oui, dites-le donc. Les mots se sont formés sur vos lèvres pour le dire, puis vous les avez retenus. Non, mais cela m'agace un peu que vous veuillez vous préparer une arrière-saison où vous direz, dans un sentiment protecteur, quand je le nourrissais, quand je lui recousais ses boutons, voire quand il me faisait recoudre ses boutons, cette histoire de boutons ne tient pas debout, puisque Catherine, dans 5 minutes... Bon, parfait, restez comme vous êtes, tout à fait élégant. Enfin, heureusement que nous avons aujourd'hui encore une cravate neuve. C'est comme un collégien. Depuis que vous connaissez Mademoiselle Villancy, vous avez doublé le nombre de vos cravates. Quelle absurdité! Il y a 6 mois que je vous ai dit qu'il fallait que je renouvelle mes cravates. Quand même ce bouton qui manque, si on vous voyait ainsi. Négligé de mise et moche de visage, me voilà complet. Moche de visage, depuis quand? Elle est ma vieillesse. Vous n'êtes pas vieux. Et si elle est quelque chose en vous, ce n'est pas cela. Elle est votre argent. Elle est ma vieillesse et elle est mon argent. J'étais arrivé jusqu'à ce jour sans savoir ce qu'était devenu mon visage. Les femmes que je payais se gardaient de me le dire. Elle, insidieusement, elle m'a appris que j'étais vieux. Elle ne cesse de revenir là-dessus. Partout où je me sens blessé, je la trouve. Et dire que c'est juste le contraire avec moi. Vous avez à peu près mon âge et il m'est impossible de penser à vous autrement que comme à un homme qui aurait 20 ans de moins. Maintenant, je porte mon visage partout comme un cancer. Il ronge ma vie. Tout ce que je fais est déshonoré par ce visage. Je suppose que les gens qui n'ont pas d'argent doivent ressentir ce même sentiment de honte que je ressens à savoir que je suis laid. Vous, laid? Bon, vous avez quelquefois le visage fatigué des hommes trop aimés, mais laid. Quand on me glisse à l'oreille dans les magasins, dans les restaurants, mais qui est donc cet homme si bien qui est avec vous? Ah, voilà ces petites imbéciles. Oh, qui nous délivrera des fillettes? Tout le monde devrait avoir 60 ans. Si elle me baisait au visage, je crois que je serais sur le point de lui dire merci. Alors, non, pas cela. Les autres ne vous baissent-elles pas au visage? Les autres sont en service commandé. Il y a des rides qu'une femme qui aime voudrait combler avec ses baisers. Une folle? Une vicieuse? Tenez, ce matin même, on vous a baisé au haut de la joue. Un brin de morsure et un brin de rouge. La morsure de mon rasoir automatique. Je vous répète que je me suis coupé. C'est pourtant visible que c'est une coupure de rasoir. Oui, mais ne vous fâchez pas. Mettre seulement mon visage contre le sien, je le lui corromprais, son visage de fruit. Être parvenu à me dégoûter de mon visage. Être parvenu aussi à me dégoûter de la chair. Non seulement de la chair vendue, mais de l'autre. Mais de la sienne. Être découronné pour moi la chair. La chair qui toute ma vie m'a sauvé. Aussitôt qu'elle m'a quitté, je vais me guérir d'elle avec les jeunes personnes de mon habitude. Mais là encore, absent de cette chair où je croyais trouver refuge, là encore c'est sa présence que j'appelle. Sa présence avec ses noms et tout ce qu'elle a de presque odieux. J'aime mieux un nom d'elle que les 1000 oui des autres. J'aime ses impertinences. J'aime son regard froid et dur. Toujours posé sur tout ce qui n'est pas moi. J'aime la haine qu'elle me porte. J'aime le mal qu'elle me fait. Et qui n'est qu'une espèce de rêve, car il ne reste en moi que le temps de me lier à elle. Je cherche en vain la trace des blessures qu'elle m'a faites. Je ne trouve ni douleur ni cicatrice. Si quelque hasard l'obligeait à passer une nuit sous mon toit, je la regarderai dormir. Sans la toucher. Je resterai des heures à regarder seulement une de ses mains et à me dire « C'est la main de Christine Villancy. » Moi qui n'aime pas Dieu, je fais la croix sur ma poitrine quand je pense à elle. Je l'aime plus que ne l'aime son père et sa mère ensemble. Elle ne comprend rien de moi si elle ne comprend cela. Qu'avez-vous? Donnez-moi la main. Mais ma chère amie, qu'y a-t-il ? Vite, monsieur Jean, vite appelez le docteur Lebel. Un mois que je n'ai pas reçu un signe d'elle. Un mois suspendu à ce téléphone, attendant d'y boire une lampée de vie, cette source globuleuse extraordinaire de fraîcheur qu'est une voix de très jeune fille jaillissant à l'improviste par le téléphone dans le logis aride de l'homme et dont l'univers est transfiguré. Mais non, éternellement le même train de ce monde. Vous donnez tout ce dont on n'a pas envie et vous refusez ce dont on crève d'envie. Comme j'étais plus heureux quand j'étais entouré de femmes avec lesquelles il n'était question que de plaisir. Il y a dans le plaisir quelque chose de rond, d'accompli, qui n'existe jamais dans la tendresse. Tu as joui, j'ai joui, le cercle est fermé, pas de déception et pas de doute. Dans la tendresse, presque toujours la déception. Et toujours le doute. 2 mois de soupir vous en suffit. Je vous retrouve enfin. C'est elle qui, par ses rebuts, a corrompu ce sentiment si délicat que j'avais pour elle. Parce qu'il n'était pas bien fort. Une femme qui aime peut demeurer des années sans que rien lui soit rendu. On la maltraite, elle s'en nourrit. Naguère, sa vertu, par moments je la méprisais, par moments elle me touchait. Maintenant je la méprise sans cesse. Le réflexe de pudeur est caractéristique des arriérés. D'ailleurs, c'est une déficiente. Elle a 64 de pouls. Je ne connais rien de plus ridicule que le petit geste par lequel elle rabaisse sa jupe quand elle est assise. Mon neveu, qui a 23 ans, avait vu une fille lui faire une tête épouvantable parce qu'il l'avait un peu frôlée exprès dans l'autobus. Il me dit, je lui aurais craché dessus. Voilà qui est parlé. Oh, les transports en commun. Pendant l'occupation, ce que j'ai pu voir dans le métro. On ne voit cela que quand on cherche à le voir. Quand on cherche ? Mais c'était sous mes yeux, je vous dis. Et l'acte complet. Intégrale de A à Z. Est-ce possible? Moi qui ne vais qu'en auto. J'ai toujours pensé que les bourses moyennes avaient de grandes compensations. N'empêche que l'avenir est avec vous. L'avenir? Mais regardez-moi donc. Un visage qui justifie toutes les défaites. Un visage qu'on est toujours prêt à tout pour se faire pardonner. Le voilà l'avenir. Que je la prenne une bonne fois et que ce soit fini. Un jour, vous vous réveillerez des fillettes. L'histoire vit Nancy, c'est sans issue. Au fond, je le sais bien. Mais alors pourquoi vous obstinez-vous ? Je ne peux plus me passer de ma tendresse. C'est si bon d'aimer quelqu'un. Il n'y a guère que cela qui justifie de vivre. Un jour, j'ai eu conscience que je l'aimais. Et cette conscience s'est déployée en moi avec la majesté du jour qui se lève. Ces mots seraient beaux venant d'un autre que vous. Mais il y a un instant, vous disiez que je la prenne et que ce soit fini. Alors je vous en prie de parler plus de votre tendresse. Vous vous êtes un peu monté la tête. Ne confondez pas cela avec la tendresse. Il y a un amour dont ni vous ni cette gamine vous n'avez la moindre idée. Celui que j'ai surpris quelquefois dans les yeux de ma mère. Devrais-je donc vous apprendre ce qu'il disait, ses yeux ? Ah, il disait. Si je pouvais arracher lambeau par lambeau des parcelles de ma vie pour te les donner et que tu puisses vivre plus longtemps encore. Si je pouvais, tandis que je te parle, ne pas dérober ce moment de ta vie et que tu puisses le consacrer au bonheur. Ma mère savait aimer et je suis sa fille. Elle n'était pas fidèle, elle était la fidélité. La fidélité, c'est le pouvoir d'incarner en un seul être, sans être divers. Ce que vous avez demandé, vous et une foule de créatures, à cet essaim de femmes qui a bourdonné autour de vous tout le long de votre vie, ma mère et moi, nous le tirions d'une seule. Ma mère croyait que ce pouvoir d'aimer peut parvenir à être compris de l'homme. Que ne peut-il parvenir à être compris de la femme ? Un peu avant de mourir, elle me disait « Soit tu n'es pas jolie, mais qu'est-ce que la beauté ? Un rayon d'intelligence peut transfigurer un visage imparfait et le rendre digne d'être adoré. » Et ma mère me disant cela, semblait déjà me contempler du fond des âges. Elle me regardait. Oui, elle me regardait de la même façon qu'en cet instant je vous regarde. C'est le souvenir de ce regard qui me donne le courage de vous regarder comme vous ne m'avez jamais vu vous regarder. Jamais. Que devient tout cet amour qu'on a reçu, dont on s'est chargé? Qui est devenu l'amour splendide que me portaient ma mère et ma grand-mère? Qu'en ai-je fait? À qui l'ai-je rendu? Bon, je l'ai rendu, je le sais. Et à qui? Il n'y a que vous qui ne le sachiez pas. Vous reculez votre chaise, vous avez peur que je ne vous mange. Vous êtes drôle, si vous pouviez vous voir. Pourquoi m'avoir ainsi torturée? Par quel raffinement abominable est-ce moi, juste moi, que vous avez choisi pour me dire sur cette fille les seuls mots tendres qu'en 7 ans j'ai entendus de votre bouche? Je sentais mon âme craquer dans mon corps. Soyez fière, quelle prouesse! Vous m'avez conduite jusqu'à l'évanouissement. Durant cette glissade où je me perdais, vous étiez là avec votre expression habituelle. Mais dès que je voulais vous adresser la parole, vous n'aviez plus de regard et je n'avais plus de voix. Enfin, dans ma demi-inconscience, vous m'avez arraché des mots qui avouaient je ne sais quoi. Moi, je vous ai arraché... Oui, vous avez profité de mon désarroi pour voler la clé de mon âme. Au moment où j'ai pris votre main, un frisson glacé m'a parcouru tout le corps. Une voix m'a dit « Mais tu es en train de te faire prendre en horreur ». Alors, de tout mon être, j'ai souhaité de glisser jusqu'au fond et de mourir. Et alors encore une voix en moi a crié « Enfin non, non, tu ne peux pas mourir, tu n'as pas été heureuse !» Depuis, je n'ai cessé d'être pantelante, brisée au point de ne pouvoir monter un escalier, épuisée au point de ne pouvoir déboucher une bouteille. Cependant que vous feigniez de n'avoir pas compris, que vous vous enfonciez dans la fiction que rien ne s'était passé. Depuis un mois, je suis suspendue sur la croix dans un affreux étonnement de moi-même. Oh, c'est long l'agonie d'une âme. Et le frisson glacé me ressaisit. Adieu. Ma chère amie, je suis confondu. Une telle exaltation. Croyez-vous que je ne me reproche pas ma démence? Vous allez me haïr parce que vous aurez cru que je vous aime. Mais je ne vous aime pas, je vous le jure. Non, je ne vous aime pas de la manière qui vous ferait horreur. De l'amitié, peut-être, si on veut. Un peu de tendresse maternelle. Détester que je vous aime, si bien que j'en suis venue à détester de vous aimer. Voilà le naturel que vous m'avez laissé. Alors, entrez dans votre fiction qu'il n'y a rien eu et que je ne vous ai rien dit. Oubliez ce combat entre mon âme et moi. Je ne veux rien oublier, mais au contraire, à force d'amitié, vous faire mieux comprendre. Je suis tellement habituée au désespoir. Comment vous dire? S'il m'était donné d'avoir une joie, je crois que je n'en aurais pas de plaisir. Si un magicien me rendait subitement mes 20 ans, je serais encore une femme âgée. Si j'étais aimée de ce que j'aime le plus au monde, je serais encore une femme abandonnée. Perdre la notion que j'existe, c'est cela qu'il me faudrait. C'est à cela que j'aspire, sans cesse. Mais dans mon sommeil même, mes gémissements me rappellent que je suis. Il n'y a eu que tel ou tel instant passé à côté de vous qui m'ait délivré tant qu'il durait de cette conscience d'être. J'ai fini ce que j'avais à vous dire. Le reste, je ne pourrais le dire sans pleurer. Monsieur, mademoiselle Villancy est en bas et demande à être reçue. Mademoiselle Villancy? Si vous le désirez, je peux la voir. La voir? Pourquoi faire? Que mademoiselle Villancy attende un instant. Bien, monsieur. Pour lui dire qui vous êtes. Vous feriez cela? Ne vous ai-je pas dit de ma mère, elle n'était pas fidèle, elle était la fidélité et que je suis sa fille? Je vous laisse avec elle. Je le fais par goût du danger et par goût de la folie. Je reviendrai dans 10 minutes. Faites monter mademoiselle Villancy. Bien, monsieur. Je lui dirai du concubinage ce que le prince de ligne dit de la guerre, qu'il ne faut pas se faire un si grand monstre du plus beau des fléaux. Mademoiselle, monsieur Ravier est occupé encore un instant et m'a prié de vous faire prendre patience. Lui, il est très patient avec vous. Excusez-moi, je suis une vieille amie de Monsieur Ravier. Il y a 7 ans que nous nous connaissons, d'un commerce presque quotidien. En quoi Monsieur Ravier est-il forcé d'être patient avec moi? Monsieur Ravier a beaucoup d'amitié pour vous. Oh, madame, et... je vous en prie. Si vous désirez plaider la cause de Monsieur Ravier ou me faire des reproches, vous perdez votre temps. Il s'en charge très bien lui-même. Mademoiselle, vous vous méprenez sur mes intentions. Non, je voudrais seulement, puisque nous avons quelques minutes à passer ensemble, vous dire un peu qui est Monsieur Ravier, que vous ne connaissez sans doute que par la voie publique. D'abord, c'est un très galant homme. Rien de mal ne peut vous venir de lui. Cela, il faut que vous le sachiez. Je ne vous dirai pas que c'est un homme puissant, je sais que vous êtes très désintéressé. Quoique, si un jour vous aviez à lui demander un service... Au moins lui demander un service, à cela jamais. J'aimerais mieux supporter n'importe quoi, perdre n'importe quoi, que lui demander un service. Bon, c'est entendu, laissons de côté qu'il soit un homme important. Mais je vous dirais que c'est un homme qui a beaucoup fait, beaucoup travaillé, beaucoup aimé ce qu'il y a de plus beau dans l'art et sans qu'il y paraisse peut-être beaucoup servi son pays. Les musées ne suffisent pas. Les grands antiquaires sont eux aussi les gardiens des trésors de la civilisation qui seraient détruits sans eux. Vous n'avez pas à dédaigner cette sympathie que vous porte Monsieur Ravier, cette partialité qu'il a en votre faveur. Monsieur Ravier m'offre son amitié, je suis sûre qu'il est sincère. Mais je ne crois pas à l'amitié des hommes. Avec lui, je ne serai jamais tranquille. Vous êtes Lorraine. Le regard sur la frontière, toujours à croire que l'Allemand va déboucher. Dans un sens, je vous comprends. Le désir de l'homme, ce n'est pas beau. Moi, quand j'étais fillette, il y a eu un jour un homme qui, dans la rue, sous mes fenêtres, s'est livré à... Enfin, ça, je ne peux pas vous le dire. Mais ce que j'ai vu m'a paru tellement hideux, j'en ai gardé un tel souvenir. J'ai été dégoûtée de cela pour la vie. Et le désir de la femme, est-ce que vous trouvez que cela est beau? Est-ce que vous avez jamais vu ce qu'est une femme qui se laisse tripoter ou qui fait des avances? La plupart des femmes sollicitent alors qu'elles devraient à cela préférer mourir. J'en voyais une tout à l'heure dans la rue qui caressait un chien tenu en laisse par son maître. Et il était tellement visible que... Et le monsieur avait un petit sourire de coin qui en disait long, si humiliant. Tripoter, c'est très mal, mais câliner, c'est très bien. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Voyons, aucun rapport. Que parlez-vous de désir? Non, c'est de la tendresse que j'ai à vous parler. Aujourd'hui, je suis vieille. Et pourtant, ne vous y trompez pas. Je suis une femme qui a été très chérie, très embrassée. Si vous saviez tous les hommes qui m'ont prise sur leurs genoux et dans les plus hautes sphères de la société. Eh bien, ma petite, c'est forte de cette expérience que je vous dis, Monsieur Ravier, si vous le voulez, ne vous donnera que cette tendresse-là. Allons, essayez de vous faire du bien pendant qu'il vous aime. Ça ne durera pas toujours. Quoi déjà? Après s'être ainsi entiché, il serait capable de cela. Monsieur Ravier est un homme intelligent et charmant, et les gens intelligents et charmants sont toujours capables de tout. Suis-je donc si laide? Et ne voudrais-je plus d'être aimée dans 6 mois? Non, il n'est pas question de cela. Mon Dieu, quelle vivacité! Non, je veux dire que M. Ravier n'est pas homme à s'éterniser. Un vieux célibataire coureur? Comment célibataire? Il a été marié 10 années et a 2 enfants. Oui, mais maintenant, il mène une vie de célibataire. Il aurait pu se remarier. Mademoiselle, vous avez des principes et je vous en félicite, mais vous ne les rendez pas aimables. De quel droit M. Ravier veut-il me commander? Je ne suis pas son employée. Vous commandez? Parce qu'il m'aime, il faudrait que je l'aime. Et s'il y avait 3 ou 4 hommes qui m'aimaient, je devrais donc les aimer tous les 3 ou 4? Oui, en somme, je vois bien à présent ce que vous êtes. Vous êtes une obsédée. Moi? Oui, vous ne pensez qu'à votre vertu, c'est une obsession. Une obsédée? Et vous, qu'est-ce que vous êtes? Moi, je suis une paysanne. Fille, petite fille de paysan, santé, équilibre, sécurité, bonne humeur. Une petite pomme d'api? Une brave pomme d'api, toute simplette et toute ronde. Une femme sans complexe et sans problème. Mais le problème, c'est une question d'intelligence. Les gens intelligents n'ont pas de problème. C'est lourd, vous savez, un amour qu'on n'a pas demandé. On n'a rien fait pour cela et cela peut vous empoisonner la vie. Cet amour toujours à la même place et dont la constance exaspère. Ces yeux qui voudraient n'être pas implorants et qu'ils sont. Le regard d'un homme qui vous aime sans cesse posé sur vous, c'est quelque chose d'horrible. Le regard d'un homme qui ne vous aime pas est lui aussi quelque chose d'horrible. Cette attente, cette sollicitude, cette obstination à vous relancer. Comment garder son sang-froid? Comment n'en être pas irrité? Je vois. Vous devez appartenir à cette race d'êtres qui ne sont méchants qu'avec ceux qui les aiment. C'est une race que je connais bien. Quelqu'un qu'on n'aime pas et qui vous aime, quelle tentation, n'est-ce pas, de le faire souffrir? Oui, il faut croire qu'il y a là un attrait irrésistible. Tenez, une femme qu'il ne désire pas, quelle aubaine pour les hommes. Il se venge sur elle des autres. Mais savez-vous qu'une femme qui aime un homme peut devenir folle s'il ne l'aime pas? Il vous a parlé de sa vie privée? Non. Et vous n'en avez rien deviné, rien découvert? Dans les hommes, il y a toujours de temps en temps une fissure. Mettre l'œil à la fissure. Je ne suis pas une voyeuse. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'avoir ou non le goût des âmes humaines. Ça ne vous intéresse pas, par exemple, de savoir comment il peut être avec ses maîtresses? Pas du tout. Dites-moi, il ne vous a jamais écrit? Non, je lui ai dit qu'il ne fallait pas m'écrire. Vous connaissez du moins son écriture? Non. Ah. Vous perdez beaucoup. Vous êtes peut-être graphologue? Non. J'étudie seulement certaines écritures. Celle de M. Ravier est passionnante. Il s'y trahit. Qu'est-ce qu'on y voit? Toute sa vie secrète. Tout, on sait tout. Et je vais vous dire quelque chose. C'est sûrement un refoulé. Un refoulé? Oh, eh bien, il n'a pas l'air de cela. Mais justement, c'est la preuve. Quand on a comme lui des flottes de femmes, ça n'est pas clair. Je suppose qu'avec lui, vous avez faim d'abord de ne pas comprendre, ensuite de mépriser. Quand il avançait un peu sa chaise, reculiez-vous vivement la vôtre comme s'il avait la peste? Monsieur Ravier ne m'a jamais manqué de respect. Oui. Enfin, il vous tient quand même un peu la main. Cela est de jeu. Il se penche pour regarder vos dessins et sa tête frôle la vôtre. Vous voyez vaincu et défait ce visage pour tous si lointain, si fermé, si dur souvent. Un visage de lui qui n'est qu'à vous seul. Et que cependant, paraît-il, vous trouvez vieux et peu agréable. Peu agréable. C'est la connaissance du monde qui a imprimé ses rides et qui leur a donné leur beauté de secret et d'aveu. Tenez, j'ai vu en photo Clémenceau, Foch et Barrès quand ils avaient 25 ans. Des têtes de serin. Eh bien, 60, 75 ans, ils avaient des masques magnifiques. Mais Foch, Barrès, connaissez-vous seulement ces noms? Vous ne savez rien. Vous ne sentez rien. Je vous en prie. Pardonnez-moi, je ne suis pas polie. Et c'est si triste, ces êtres qui sont sans cesse à se poursuivre les uns les autres et à ne se rattraper jamais comme les chevaux de bois des manèges forains. Pendant que vous dédaignez M. Ravier, il y a sûrement des femmes qui le dédaignent, aussi à tort que c'est à tort que vous le dédaignez. Mon Dieu, c'est donc si dur de supporter d'être aimé. Il paraît que dans l'ancien Japon, quiconque ne rendait pas amour pour amour était tenu pour posséder d'un démon. M. Ravier aime qui ne l'aime pas, et sans doute n'aime pas qui l'aime. Comme vous, vous ne l'aimez pas lui qui vous aime, et peut-être aimez-vous quelqu'un qui ne vous aime pas. Oh, moi, madame, aimer quelqu'un. Je vous affirme que je n'ai de sentiments pour personne. Pour personne. Il est probable que cela viendra un jour. Je sais bien que je suis condamnée, mais en ce moment, il n'en est pas question. Je vous crois, votre accent est celui de la vérité, mais quand même condamnée. Condamnée parce qu'un jour on aimera. Vous avez eu une éducation religieuse? Oh, vaguement, et cela est loin. Mais j'ai été dans les guides de France. Les guides? Il y a 2 ans encore, j'étais cheftaine. Cheftaine de la troupe Charles de Foucault. Enfin, j'étais sous cheftaine. Vous avez dit cela, monsieur Ravier? Pensez-vous. Vous auriez dû. Je suis sûre que ça leur aurait intéressé beaucoup. Ce que je voudrais, c'est savoir pourquoi vous me poussez tant vers monsieur Ravier. Mais il est pénible de vous voir manquer d'instinct sur votre intérêt. Quel regret vous vous préparez? Je sais que les Français n'apprécient pas la dignité chez les femmes. Voilà le duché de Lorraine qui reparaît. Dites plutôt que je n'ai pas la morale des milieux où l'on a de l'argent. Vous vous trompez sur votre intérêt, vous vous trompez aussi dans votre morale. Vous vous croyez admirable alors que votre attitude a quelque chose d'assez vil. Vil? Je suppose qu'on vous a appris pourtant au guide de France la gentillesse et le devoir. Le devoir cardinal de faire plaisir aux autres. En outre, vous vous trompez même touchant les convenances. C'est très joli de n'avoir pas de vanité. Mais il y a des cas où cela peut devenir un véritable manque d'éducation. Enfin, pensez, ma petite. Petite comme vous, refusez M. Ravier, mais c'est monstrueux. Dans toute ma vie déjà longue, je n'ai jamais rien vu de semblable. Avouez que c'est un étrange langage que le vôtre, madame. C'est le langage de l'intelligence. L'intelligence, chez vous, est un peu cynique. La fréquentation des grandes œuvres de l'art rend toujours un peu cynique. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'il n'y a qu'elle d'important. Ainsi donc, je devrais me repentir éternellement de ne m'être pas prostituée. Monsieur Ravier ne pardonne guère aux gens qui ont manqué le coche. Il aime l'intelligence. Vous semblez avoir une grande expérience de lui. Nous le connaissons depuis 7 ans. Il y a, m'avez-vous dit, des femmes qu'il dédaigne? Vous savez, j'ai dit cela comme ça. Ah bon? Mais si j'ai une expérience personnelle de lui, sachez, ma petite, que ce n'est certes pas celle d'un homme qui dédaigne. Je n'ai pas de confidence à vous faire, mais... Au revoir. J'ai entendu votre mademoiselle Andriot. Cette vieille fille dégoûtée et grillarde avec toujours une polissonnerie dans sa poche pour se faire peur avec. Pouah. Mais elle a très bien récité sa leçon. Voudriez-vous mesurer un peu vos paroles, mademoiselle Villancy? Mademoiselle Andriot n'est pas seulement une vieille amie d'un dévouement sûr. Elle a une magnifique culture artistique et une magnifique sensibilité de femme. Ce sont deux vertus que vous devriez respecter, vous n'en êtes pas pourvu à l'excès. Elle est en outre une femme d'esprit. Et un homme ou une femme d'esprit dans la France d'aujourd'hui, c'est une perle dans le fumier. Avec mademoiselle Andriot, je parle toujours un ton au-dessus de moi-même. Avec vous, toujours un ton au-dessous. Mademoiselle Andriot m'a dit vos grandes qualités. Je n'en avais jamais douté, puisque vous êtes chevalier de la Légion d'honneur. Je vois que vous arrivez ici bien décidée à être insolente. Vous venez en demandeur, puisque vous désirez que j'achète vos dessins, mais vous voulez aussi être insolente. Demandeur et insolent à la fois, cela fait jeune, n'est-ce pas? Mais insolence fondée sur quoi? Sur le sentiment que vous avez de votre sagesse? Je serais émerveillé par votre sagesse si elle était autre chose que la sagesse de l'ignorance, du préjugé et du manque de tempérament. Avouez que cela vous amuse de trouver une femme qui vous résiste. Avouez que cela vous amuse de faire joujou à être cette femme. Non, cela ne m'amuse pas du tout, je suis seulement ainsi. Vous mettez du rouge. C'est donc vous cherchez à plaire. Comment accordez-vous cela avec la sagesse? Je mets du rouge parce que toutes les femmes en mettent. Triste réponse. À une triste question. Et du rouge aussi aux ongles. Je me demande vraiment pourquoi on a les ongles rouges si on ne se donne pas. Monsieur Ravier, puis-je être tout à fait franche avec vous? Essayez toujours. Mais ensuite, vous me le reprocherez. Vous avez si envie de l'être que vous êtes incapable d'y résister. Allons, soyez mal élevé tout votre sou. Vous trouvez que je suis mal élevé? Vous êtes propre, vous êtes désintéressé, vous êtes indépendante. Vos vertus sont exceptionnelles et immenses. Mais vous êtes mal élevé. En quoi suis-je mal élevé? En ne devenant pas votre maîtresse? Vous êtes mal élevé en faisant l'enfant terrible. Et c'est si facile de faire l'enfant terrible. Profiter du fait que l'on soit aimé. Sous le couvert hypocrite de la taquinerie, débagouler impunément aux gens qui vous aiment tout ce qui peut les vexer ou leur faire de la peine. En vérité, quels exploits! Eh bien, je ferai quand même l'enfant terrible. Voici. Ce qui me froisse en vous, c'est votre vulgarité. Il y a quelque chose de diabolique à ce que je supporte ainsi vos mépris. Oh, je m'explique. La vulgarité de croire que c'est une obligation pour un homme d'avoir pris au moins une fois chacune des femmes qu'il approche. Je pose ma main sur votre hanche et je vous sens respirer, comme si je sentais respirer la création. Cela est-il vulgaire? Vous avez fini? Oui. Vous êtes content? Je ne vous trouve pas jolie. Vous ne me plaisez pas. Aucun de vos traits ne me plaît. Mais je vous aime. Singulière déclaration. Vous qui aimez si peu... Pourquoi vous qui aimez si peu? Qu'en savez-vous? Vous croyez que j'aime peu parce que je ne me jette pas à votre cou? Mais j'aime profondément mes parents, j'ai beaucoup d'affection pour mon frère. Moi aussi, il y a une dame qui me dénie toute faculté de tendresse parce que je n'ai nulle tendresse pour elle. Et il y a aussi des femmes qui me demandent « Vous avez des ennuis ?» Tel jour où elle me voit la mine maussade, mais j'ai la mine maussade simplement parce que je m'embête avec elle. Des ennuis? Non, ce sont elles qui m'ennuient. Quoi qu'il en soit, il reste bien vrai que vous m'aimez peu. Et que si vulgarité il y a, c'est cela qui m'y a forcé. Je vous l'ai dit souvent, votre amitié m'aurait suffi. Vous croyez que vous êtes belle? Vous êtes comme les autres. Et puis de ce côté-là, j'ai tout ce qu'il me faut. Coucher est très bien, c'est la clé qui ouvre un être. Ne pas coucher est bien également, c'est plus raffiné. Et toujours prendre sur soi, c'est une école. Mais je n'ai plus à choisir, vous avez choisi pour moi. Vous m'avez refusé l'amitié, je n'ai d'issue que le désir. D'ailleurs, n'importe quel homme à ma place, même ne vous désirant pas, vous aurez déjà mis sur ce canapé. Essayez un peu, vous serez bien reçu. Non, je n'essaierai pas. Je ne le ferai que par désespoir. Les baisers que je vous donnerai contre votre goût tomberaient comme des choses tuées ou comme des ventouses qui se détachent. Ne faites pas le délicat. Si je n'étais pas ce que je suis, il y a longtemps que vous auriez abusé de moi. Abusé de moi? Mais est-ce que nous sommes à la police judiciaire? Et si je n'étais pas ce que je suis, ce que vous êtes? Vous êtes une petite punaise prétentieuse. Mais attention! Dans 5 ans, quand vous serez une ratée et qui commencera de se flétrir, déjà déflorée je ne sais combien de fois, vous viendrez vous jeter à mes pieds. Ne vous flattez pas qu'alors je vous accepte. Quand on veut faire plaisir aux gens, il faut le faire tout de suite. Allez, je vous laisse vous reposer de moi. J'ai dit tous les mots qu'il fallait dire pour la perdre à jamais. Je le savais en les disant. Et je continuais. Écoutez-moi. Oh, laissez-moi trembler. D'abord, je cherche ce que cette petite fille peut avoir en elle pour vous attirer. Ne cherchez pas, elle n'a rien. Elle n'est pas si jolie que ça. Tant mieux. C'est comme cela que je peux la regarder sans avoir trop mal. Ensuite, elle est braquée aujourd'hui, mais demain... Mais écoutez. Je tremble et j'écoute. Demain, il vous sera facile. Non, pas de demain pour moi. C'est maintenant ou jamais. Une bataille perdue, ça se regagne. Une journée perdue, ça ne se regagne pas. Le nom des jeunes filles est une porte pourrie. Je n'enfonce plus les portes, même pourries. Elle a reconnu que vous ne lui aviez jamais manqué de respect. Manqué de respect? Ces formules abominables. C'est quand un homme désire une femme qu'il la respecte. Mais d'où lui viennent ces absurdes principes? Qui a versé dans son sang ce poison de l'innocence? Il doit y avoir chez elle une hérédité horrible. Pourtant, j'ai vu la photo de sa mère. C'est une prédestinée. Il n'y a qu'à la regarder pour voir que son unique fonction sur la terre est de voir lever sa fille. Eh bien, oui, je la prendrai de force. Elle, si bien coiffée, ses cheveux que je verrai un jour tout dépeignés et éparpillés autour de sa tête comme des reptiles. La Vierge Lorraine. Je lui foutrai un gosse de force. Comme la grossièreté vous va bien. J'en ai plein le dos, des filles fières. La fierté, parfait, mais pas quand on me l'impose. C'est drôle, elle m'a appelée madame. Alors que les inconnus m'appellent toujours, je ne sais pourquoi, mademoiselle. Vous voyez, elle a de bon côté. Croyez-vous au moins que j'ai fait tout ce que je pouvais pour la convaincre? Je le crois, merci. Vous êtes une femme extraordinaire. Non, mais un jour, à propos de Christine... Oh. Quoi? C'est un petit coup de stylet que vous m'avez donné en prononçant son nom. Ce nom glacé et aigu comme une stalactite. Et avec le Christ dedans encore. Oh non, prononcé dans mes rêves. Un jour, le jour de mon évanouissement, vous m'avez dit, parmi les choses étranges qui naissent en l'homme, il y a aussi quelquefois l'honnêteté. Je vous crois, je crois que vous avez fait l'impossible. Quand même, et malgré la gêne que vous m'avez causée tout à l'heure, quand même, c'est une bonne chose, rentrer du monde de ceux qui ne vous aiment pas dans le monde de ceux qui vous aiment. Je vous ai causé une gêne tout à l'heure? Oui. Sans nul doute. Ce que vous m'avez avoué, je n'en ai pas souri, comme peut-être l'auraient fait d'autres hommes. Je le constate, hélas, je le respecte et je le déplore. De quoi parlez-vous? Eh bien, de ce sentiment que vous m'avez avoué. Moi, je vous ai avoué un sentiment, mais où avez-vous pris cela? Il me semblait. Alors, vous croyez que j'ai envie de coucher avec vous? Il n'est pas question de cela. Enfin, par quel geste, quel mot, quel regard, quelle intonation, quelle allusion fût-ce la plus lointaine, enfin, quel aveu fût-ce le plus détourné, ai-je pu vous donner lieu de penser que les sens avaient leur part dans l'amitié que je vous porte? Oh, je n'ai jamais dit... Et si vous croyez que je vous aime? Oh, ne serais-je donc jamais en paix avec vous? Ne réussirais-je jamais à dissiper le malentendu qui vous empêche de me supporter? Le sentiment que je vous aurais avoué. Enfin, qui parlez-vous en ce moment? Vous parlez une autre que moi. Votre fatuité vous aveugle et vous égare. Il ne vous aveugle pas seulement sur moi. Il ne vous est donc jamais venu à l'esprit que cette petite pouvait en aimer un autre? Qui vous fait croire cela? Rien ne me le fait croire, c'est une simple supposition. Oh, vous jetez en moi une semence empoisonnée. À la rigueur, je la supportais pure, mais l'imaginer coupable... Oh, dites-moi que rien ne vous permette... Mais non, vous avez percé quelque chose. Elle vous a avoué quelque chose. Lié par mon scrupule de chasteté stupide, je devrais imaginer ses amours avec un autre. Elle vous en parlerait peut-être. Je respirerais ce fumet. Oh, Dieu! Ah, si le désir pouvait disparaître de ce monde pour qu'elle ne soit pas menacée. Le sommeil, le sommeil. M'abîmer dans les somnifères pour ne souffrir plus. N'avoir plus que quelques heures de conscience par jour. Mais j'ai perdu en une fois le sommeil à jamais. Perdu comme tout est perdu, ce que je suis, ce que j'ai fait, ce que je possède. La nuit dernière, j'ai entendu chanter jusqu'à je ne sais quelle heure un rossignol dans le jardin de mes voisins, si j'avais pu. Je l'aurais étranglé. Comme j'ai toujours un bouquet sur ma table pour y enfoncer mon visage quand j'ai trop de peine, je me suis contentée de fourrer les fleurs fraîches dans ma corbeille à papier. Elles y agonisent et y agoniseront sans fin, je l'espère. L'été, lui aussi, est triste. Cette chaleur étouffante et interminable met à bout ce qui était déjà accablé. Voyez ces nuages. Les journaux annoncent un changement de temps. Il ne pleuvra plus jamais. Plus jamais, plus jamais. Et il y a des idiots qui osent parler de la tristesse des sens quand il y a la tristesse du cœur. Mais j'ai pensé à quelque chose. N'y aurait-il pas de sa part un manège de coquetterie? Dans la coquetterie, il y a de l'appel. Chez elle, il n'y en a jamais. Pensez donc, une vraie jeune fille. Voilà 5 semaines qu'elle est encore disparue, replongée dans la mer. Non, non, je ne peux plus attendre. Il y a 18 ans qu'elle vit, j'ai 18 ans de retard à rattraper. C'est par pitié que vous me parlez de coquetterie, pour me donner de l'espoir. Merci, mais je n'y crois pas. Et cependant, je vous dis, continuez à avoir pitié de moi. Il y a des moments où, pour la première fois de ma vie, je ne repousse pas l'idée d'en finir, de cesser d'être. Vous êtes fou. On ne se tue pas pour les vraies jeunes filles. Je ne souhaite pas à mon pire ennemi d'aimer comme je l'aime. Un peu d'énergie, mon ami. J'ai toujours senti qu'il n'y avait aucun pont, aucun langage commun, rien de commun entre un être qui ne souffrait pas et moi. Les êtres qui ne souffrent pas sont pour moi des fantômes, vous étiez la seule exception. Et maintenant que vous souffrez, je suis gêné que ce soit à cause d'une femme. Croyez que plus d'une fois j'ai été tenté de l'envoyer par-dessus bord. Et chaque fois je me suis retenu en me disant que si l'on fait confiance à la nature humaine si vite dans un indifférent, quelle monstruosité ce serait de ne pas lui faire confiance dans ce qu'on aime. Mais je suis à bout de lui faire confiance. Je vous répète, ayez pitié de moi. La façon dont je tiens à elle me fait mal. Sans cesse, les larmes me viennent aux yeux. Entraînez-moi dans quelque chose qui ne soit pas elle. Que cette beauté des œuvres d'art fixée une fois pour toutes et si admirable la remette à sa toute petite place. Allons. Je ne peux plus rien supporter qui ne soit elle. Voilà ce qu'il faut dire. À quoi me sert tout mon travail? Quel est le sens de tout cela? Tout cela qui m'a suffi pendant 35 ans, à présent ne sert plus qu'à me rappeler que cela ne me suffit plus. La rue, le soleil, les arbres n'ont d'existence pour moi que parce que dans le même temps ils existent pour elle. Mais toute mon œuvre, tout ce que je fais depuis 35 ans n'a plus de sens parce qu'elle ne l'aime pas, parce qu'elle ne m'en aime pas. Alors que ma vie serait largement comblée à m'occuper d'elle et à l'aimer. Bien plus, c'est mon travail qui m'a flétri et usé, qui a rendu mon visage ce qu'il est, ce je ne sais quoi que bientôt je devrais pouvoir couvrir avec un masque, comme au carnaval. J'accuse ce téléphone, j'accuse cet agenda tout noirci d'inutile, j'accuse ces dossiers et chacun des feuillets de ces dossiers, je les balaye comme elle a tout balayé en moi. C'est mon argent, que voulez-vous que j'en fasse? Un jour, je prendrai mes lingots d'or et la nuit tombée, j'irai les jeter dans la Seine. Oh, pas de geste de servante, je vous prie. Je mets mon pied sur votre main si vous ramassez ces papiers. D'ailleurs, c'en est fini de mon travail. À jamais, je suis incapable de travailler. J'ai supporté d'elle ce que depuis 20 ans, je n'ai supporté de personne. Elle, elle sait ce que je peux arriver à supporter quand je veux. Mais je n'en peux plus. Comme l'homme sait mal souffrir. Un enfant qui se lamente sans décence. Si c'était moi qui me lamentais ainsi, Mais moi, en 7 ans, pas un seul mouvement d'abandon n'a été toléré. Vous changez de visage. Ceci, n'est-ce pas, est la zone interdite. De quel droit est-ce que je me permets, est-ce que j'outrepasse? Toujours la fiction qu'il n'y a rien eu. Et cette fiction doit demeurer parce que vous avez besoin de moi. Comme on feint de n'avoir pas entendu la réponse insolente d'une secrétaire parce qu'on veut la garder quoi qu'il arrive. Mes connaissances, ma mémoire, mon activité, peut-être mon goût artistique vous sont utiles dans votre profession. Pourquoi n'avoir pas voulu que je ramasse vos papiers, puisque je suis votre servante. Votre servante et rien de plus. Oh, s'il l'a dominé. Quelle est cette extravagance? Tout ce féminin qui remonte en vous. Et qui n'ont jamais fut plus femme que moi. Et pourquoi me serait-il interdit de l'être? Eh bien, si. Avec vous, cela m'est interdit. Les besognes parfaits, au-delà, interdit. Tu n'iras pas plus loin. Une démarcation féroce, férocement maintenue. L'être humain le plus sensible que vous ayez rencontré en toute votre vie. Une amitié qui est descendue jusqu'au tréfonds de la tristesse et de l'acceptation de cette tristesse. Rien de cela n'a droit à l'existence. Quelle existence ? Silencieuse, apeurée, resserrée, diminuée. Qu'à la condition de ne se manifester à aucun prix. Et pourtant, sachez-le, jamais l'élan qui me poussait vers vous n'aurait pris la moindre teinte de passion si vous l'aviez laissé suivre son cours naturel. Mais à toute force, il vous fallait me tourmenter. Il y a tout un monde à qui je parle le langage de la passion, puis tout un monde à qui je ne le parle pas. Ce monde à qui je ne le parle pas, c'est le vôtre. Mais c'est cela, hors d'ici, hors du monde. Votre voix glaciale. Je suis comme la femme de ménage qui, ses heures de travail finies, voudrait parler avec vous 5 minutes d'une façon humaine. Cesser pendant 5 minutes d'être une bête. Parler de son homme, de ses petits. Mais vite, on la met à la porte. Car cela, c'est vous faire perdre votre temps. Et si on fait venir une femme de ménage, c'est pour vous gagner du temps. Autrement, il n'y a qu'à faire son ménage soi-même. Voilà comment vous m'avez traité. Pendant 7 ans. J'ai fait l'impossible pour que nous ne soyons pas ridicules. Oui, c'est toujours quand l'homme cherche à ne pas être ridicule qu'il le devient. Arrêtez-vous avant l'irréparable. Il n'y aura pas d'irréparable. Ou vous me garderez, ou si vous me rejetez. Ou car il faut compter avec le bon plaisir du satrape. Vous reviendrez à moi, puisque je vous l'ai dit, vous avez besoin de mes services. Ce n'est certes pas moi qui modifierai cette situation, j'aime vous servir. Je ne cesserai jamais d'être pour vous l'ami enjoué, libre d'esprit que vous avez toujours connu. Enjoué, libre d'esprit, alors que vos reproches... Mes reproches ? Je vous ai reproché quelque chose ? Je ne vous reproche rien. Comment vous reprocherais-je de m'utiliser ? Si je n'y prenais pas plaisir, je ne l'accepterais pas. Non, soyez tranquille, vous qui cherchez à me faire rougir du sentiment que je vous porte. Jamais vous ne trouverez en moi autre chose que le dévouement égal et sûr dans le grand et dans le petit. Dans le terrible, s'il le faut. Dans le sordide, s'il le faut. En ce moment, c'est cette fillette qui vous tracasse. N'ai-je pas fait ce que j'ai pu pour la rapprocher de vous ? Voulez-vous que je m'y remette ? Voulez-vous que j'aille la voir ? Que je parle à son oncle ? Voulez-vous que toute gauche offre une certaine somme à son oncle ? Quelle horreur ! Jamais. Tout à l'heure encore, est-ce que je n'essayais pas de vous rendre espoir, même au prix d'un mensonge, en feignant de croire qu'il y avait dans sa conduite de la coquetterie ? Je ne sais plus bien où j'en suis avec vous. Vous embrouillez tout, vous entortillez tout. Ce que je vois de plus clair, c'est que... vous, avec votre amitié, elle, avec son inimitié, vous êtes réunies toutes deux mystérieusement pour me blesser. Allô ? Elle, je ne veux pas la recevoir ainsi. Oh, comment cacher l'altération de ma voix et de mon visage ? Je ne veux pas qu'elle sache le pouvoir qu'elle a sur moi. Recevez-la comme l'autre jour. Je viendrai dans un instant. Qu'elle monte. faire souffrir un homme et un homme tel que lui. Mais quel mot trouver pour convaincre une insensible et une sotte. Pitié que tout ça. Oh, madame, Monsieur Ravier n'est pas là. S'il va venir. Bientôt. Ne pouvez-vous pas lui demander de venir vite? Il sera là dans quelques instants. Mais qu'avez-vous? Vous semblez bouleversé. Oh, ce qui m'arrive. Les ondes vont si vite et l'une entraîne l'autre. Qu'y a-t-il? C'est assez qu'il me faille le dire à Monsieur Ravier. Que ce soit de lui précisément que j'ai besoin. Lui de qui je ne voulais pas accepter un petit cadeau et à qui je vais être obligée de demander un service. Oh, plus qu'un service, quelque chose qui nous sauverait, moi et une personne. Il fera l'impossible, ma petite. Et il n'abusera pas de cette situation, croyez-le. Oh, qu'il en abuse ou non. Nous autres femmes, il faut toujours en arriver là. Allez, j'ai compris maintenant. La petite chèvre de Monsieur Seguin qui s'est battue toute la nuit. Un si long changement à vue. Dans 5 minutes sur ce divan, titre de tableau, la chef taille au divan. Ou peut-être sur cette jonchée de papier à laquelle il ne voulait pas que je touche, comme s'il en prévoyait l'usage. Oui, épargnez-moi, madame, épargnez-moi. Eh bien, vous allez être l'esclave, c'est ça qu'il lui faut et que moi je n'ai pas voulu être. Avec un homme qui va vous répéter ce qu'il a répété à 200 femmes, tous ces tours de vieux cabot dressé. Un homme qui me disait de vous il y a 3 semaines, mais que je couche avec elle et que ce soit fini, que je lui foute un gosse et que ce soit fini. Oh. Vous allez trouver sur son épaule les fonds de teint de 200 femmes. Vous pouvez dire que vous allez avoir le visage barbouillé. Mais tenez! Prenez, vous avez tout! Et même ces larmes jeunes que vous aimez. Qu'y a-t-il? Mon Dieu, je vous vois pleurer. Alors c'est cela, votre ami sûr? Oh, si vous saviez. Quoi? Coucher avec elle et que ce soit fini, le foutre à un gosse et que ce soit fini. Oh, j'aurais dû m'en douter. Les plus dangereuses de toutes, celles qu'on ne prend pas dans ses bras. Et je vais être votre esclave et c'est cela qu'il vous faut. Ne vous occupez pas de ce serpent, je lui écraserai la tête quand je le voudrai. Moi aussi, j'ai 7 ans de haine qui ont leur mot à dire. Oh, Monsieur Ravier, jamais je n'aurais cru que je pourrais avoir la honte que j'ai. Il ne peut y avoir de honte, ni de vous à moi, ni de moi à vous. Et dire que je tenais tant à n'avoir pas l'air pour vous d'une aventurière. Mais à quoi cela sert-il d'être quelqu'un de propre? À rien. Oui, il faut que je vous dise tout de suite que mon père est un très honnête homme. Il est arrêté? Oui, écoutez-moi d'abord. Mon père a été sollicité par une banque qui lançait des actions d'une société nouvelle. Le banquier lui a promis une commission importante sur chacun des titres qu'il ferait acheter. Bon, eh bien, j'irai demain avec vous, si vous le voulez, chez le garde des Sceaux. Mais vous ne connaissez pas la fin de l'histoire. Si, je la connais. Votre père a fait prendre des actions, la société était une escroquerie, les actionnaires ont porté plainte. Votre père est un parfait honnête homme, mais sa bonne foi ne fait pas de doute. S'il a été trop crédule, c'est précisément parce qu'il est un honnête homme. Quelqu'un vous a donc raconté? Pensez-vous, mais tout cela est vieux comme le monde. C'est la sorte d'histoire qui arrive aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Votre père a été arrêté? Oui, ce matin. On aurait pu le faire plus tôt. Comment, monsieur? Vous ne comprenez pas. Votre père ayant peu d'argent, on pouvait l'arrêter dès le premier soupçon. Oh. Parce que la justice n'aime pas les gens sans argent. Allons donc demain chez le garde des Sceaux. Vous connaissez le garde des Sceaux? Je connais tout le monde. Mais ici, précisons, le chef de cabinet du garde des Sceaux est mon beau-frère. Vous voyez que cela sert parfois à quelque chose d'être divorcé. Enfin, je veux dire, d'avoir été marié. Et vous croyez que... Je vous promets que dans 8 jours, si cette affaire est bien telle que vous me l'avez décrite, elle sera classée. Ou votre père sera du moins en liberté provisoire. Oh, je vois que tout s'arrange quand on est quelqu'un d'important. Eh oui, Dieu merci. Allô? Monsieur Jean, vous allez téléphoner à Monsieur Varnet au ministère de la Justice et demander un rendez-vous urgent. Pour demain, si possible. Vous ne pouvez imaginer la honte que j'ai et la gêne. Vous n'avez jamais pris les choses avec simplicité. Je vous remercie de toute mon âme. Ne soyez pas emphatique. Je ne sais que vous dire. Ne me dites rien. Je devine si bien ce que peut penser un homme dans le cas où je vous ai mis. Le sarcasme qu'il peut avoir. D'ailleurs, vous me l'aviez prédit. Un jour, vous viendrez vous jeter à mes pieds. Laissez donc cela. Mais pourquoi est-ce moi que vous êtes venu voir? Parce que, de vos relations, je suis la plus influente? Non. Parce que je savais que vous m'aimez. C'est Monsieur Levadet. Je suis occupé. Il dit qu'il faut qu'il vous voie. Pardonnez-moi de forcer votre porte. Ah, elle est encore là. Je craignais d'arriver trop tard. Vous permettez? Et je l'emmène. Mais monsieur... Oui, je sais tous les ennuis qu'elle me causera, peut-être les regrets, mais qu'est-ce que vous voulez, j'en ai envie. De quel... Il y a assez longtemps que j'ai l'œil sur elle, il fallait que cela finisse. Enfin, m'expliquerez-vous... Je vous répète que peu m'importe si je suis dupée. C'est faux à crier, mais j'en ai envie. Oh, c'est la bergère. Parfaitement, parfaitement. Je suis venue l'autre semaine. Mais voyons, vous vous souvenez bien, vous m'avez dit, je ne la garantis pas. Évidemment, comment garantir ça? Je la prends quand même. Parfaitement, parfaitement. J'aurai une pièce fausse parmi mes pièces vraies, mais cela n'a aucune importance, puisque je le sais. C'est une théorie. Remarquez qu'elle ne me plaît pas. Ces bois rapportés, la grossièreté de la tâche, c'est affreux. Elle ne me plaît pas, mais elle me fait envie. Vous me rappelez une petite amie à moi. Au restaurant, elle me disait, la matelote, j'aime pas ça, mais j'en veux une. Tenez, par une journée chaude, comme aujourd'hui, de la regarder seulement, je me sens rafraîchi. Parfaitement, parfaitement. C'est toujours 90. Eh oui, hélas, toujours. 90 000 francs pour un meuble faux. 90 000 francs parce qu'il est probablement faux. Vous ne les comptez pas? Je n'ai pas l'habitude de compter les billets. Vous les avez comptés, vous? Oui, mais je me trompe toujours quand je compte des billets. Le compte a toute raison d'être bon. Je vous volais de 10 000. Oh, moi, vous savez, si vous voulez les garder. Ah, mais c'est que dans ce cas, le meuble doit être très, très faux. Pas du tout, c'est l'antiquaire qui est très, très grand seigneur. Bon, je la prends tout de suite. Je vous la ferai porter à 7 heures. Ah non, non, non, je la prends tout de suite. J'ai ma voiture. Bon. Monsieur Jean. Monsieur. Voulez-vous aider Monsieur Levadet à descendre la bergère? Oui, monsieur. Merci. Et voilà. Vous croyez peut-être qu'il n'y avait que les médecins, les avocats et les littérateurs qui avaient leur fou. Vous voyez que les antiquaires, eux aussi, sont servis. Souriez un peu. Cette scène loufoque ne vous a pas amusé? Je ne l'ai guère suivie et ne saurais dire au juste en quoi elle a consisté. Et maintenant, vous aussi, comme la bergère fausse, il va falloir que vous me quittiez. Vous allez arranger un peu votre figure et vous en allez d'ici. Vous me mettez à la porte? Le but de votre visite est atteint. Désormais, vous me méprisez. Il ne s'agit plus de désirer me voir, il s'agit de m'écarter. Il s'agit d'écarter de nous la tentation des choses faciles et moches. Vous teniez pour une marque de mon animosité que jamais je ne vous eusse demandé un service. À présent, je vous en ai demandé un. Soyons donc amis. On y pensera. Si vous mesuriez très exactement à quel point vous transfigurez une situation qui, il y a un quart d'heure encore, était un cauchemar, vous comprendriez que ce mot d'amitié... Oui. Demain, 6 heures. Parfait. Merci. Demain à 6 heures, vous viendrez avec moi au ministère. Vous avez fait un geste que je n'aime pas. Une femme ne baisse pas la main d'un homme. Non plus qu'elle ne ramasse ses papiers tombés à terre. Non, laissez cela! Christine Villancy, vous m'avez dit un jour, puis-je être tout à fait franche avec vous? Je vous pose la même question. Puis-je être tout à fait franc avec vous? Oui. Eh bien, voici. Vous êtes sur une mauvaise pente. Il ne faut pas faire les choses par gratitude. C'est très imprudent. Et puis c'est pour le coup que vous pourriez me trouver vulgaire. Et ce serait à mon tour d'avoir honte. Mais je ne vous comprends pas. Vous me comprenez très bien. Malheur aux femmes qui se sont données pour la première fois sans amour. Vous ne croyez pas que lorsqu'un être vient de recevoir un grand bienfait d'un autre être, il soit naturel qu'il veuille le lui rendre par un mouvement du cœur? Vous ne croyez pas que lorsqu'un homme pouvait tirer auprès d'une femme certains partis d'une situation, il ne l'a pas fait, cette femme doit en être bouleversée? Vous prendre parce que j'ai dépanné votre père? Si je vous prenais dans ce moment, ce serait comme si je prenais une femme en profitant de ce qu'elle est ivre morte. Oh. Allons, à demain, 6 heures, au ministère de la Justice, place Vendôme. Rendez-vous dans l'antichambre du chef de cabinet du ministre. Oh, je sors d'ici encore plus humilié que je ne l'étais en entrant. Mais pas du tout. Soyez simple. Oh. Mon enfant chéri. J'efface tout ce que je viens de dire. Cela était vrai, mais le contraire est vrai aussi. Je choisis le contraire. Vous entendez? C'est la pluie. C'est la douce pluie d'où tout se fond sous la pluie. J'aurais tenu votre tête, votre fière tête, votre pauvre tête. J'aurais senti une fois l'odeur de ta vie. Je t'embrasse, Christine Villancy. Rien n'est plus bas ni plus vulgaire que la façon dont je t'accepte. Mais à peu près tout ce qui existe est d'origine impure. Cela naît dans la boue et cela ne diffère guère de ce qui est né dans les étoiles. Presse ta main sur mon cœur. Empêche qu'il n'éclate. Qu'avez-vous ? Dans un instant, tu seras à moi. Et je souffre encore. Et souffrir, pourquoi ? Je vois se lever des spectres. Les spectres de tout ce que j'aurai à souffrir à cause de toi. Je vois à présent dans quoi j'entre et j'en suis épouvanté. Toi qui ne pourras pas me dire, tu... Je vous le dirai. Dis-le. Je vous le dis. Allons, tu te trahis. Tu es fausse comme la bergère. Tes yeux mentent, ton corps ment, toutes les papilles de ta peau mentent. Tu n'es pas à moi, tu ne me donnes rien. Tout est faux dans ce que nous faisons en ce moment. Mais je dis comme le type, le meuble est faux, j'en aurai des ennuis, n'importe. Je le prends parce que je sais qu'il est faux et que j'en ai envie. Allons, les jeux sont faits, je serai ton amant. Je le suis. Malheureux sans toi ou malheureux avec toi. Oh, je comprends maintenant. Tout vaut mieux que de ne t'avoir pas prise. Tu étais aimée, innocente. Tu seras adorée, corrompue. C'est moi qui t'apprendrai cette caresse dont je te ferai mourir et dont tu mourras en me bénissant. Tu diras, depuis 18 ans j'étais sur la terre et personne ne m'avait appris ce qu'il y a de meilleur en ce monde. Depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Vous venez d'entendre « Celle qu'on prend dans ses bras » de Henri de Monterland de l'Académie française. Pierre Dux était Ravier. René Faure, Mademoiselle Andriot. Catherine Watteau, Christine Villancy. Pascal Mazotti, Monsieur Levadet. René Farabet, le récitant. Chef opérateur du son, Madeleine Sola. Collaboration technique, Serge Elbod. Assistante, Ève Augusta Enro. Bruitage, Joël Noël. Réalisation, Jean-Jacques Vierre.